Nguru. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de cette édition, la mi-journée de ce 12 septembre. Mais d'abord, les principaux titres. Le gouvernement burundais compte résilier le contrat qui le liait désormais depuis 2018 avec la société Proselve. Cette dernière allait s'occuper de la construction des infrastructures dans la zone économique spéciale de Warwondo. Ouf de soulagement pour les propriétaires des téléphones mobiles et un projet d'étude de brûler les téléphones volés arrive à un pas important et selon le directeur général de l'agence de régulation de contrôle des télécommunications au Burundi. 12 personnes blessées dans une embuscade tenue en zone Vyuya de la commune Mugamba. Des informations confirmées par l'administration. La cause, ce sont des hommes armés qui ont attaqué un bus de transport. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Perturbation de la sécurité en zone Vyuya de la commune Mugamba en province Bururi. C'était vers 19h de ce samedi. Cette information est confirmée par l'administrateur communal qui parle d'hommes armés qui ont attaqué un bus de transport en commun de marque IAS, un véhicule Fuso transportant du charbon et une moto. Veniste Naombaye informe sans bilan que les blessés sont en train d'être soignés et qu'il n'y a pas eu de mort. Toujours la page sécurité, le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi vient de dresser un bilan. C'est 12 personnes blessées. Jivan Daikeza fait savoir que les sapeurs-pompiers n'ont pas pu arriver à temps. Ils venaient de la province de Rutana. Ce groupe armé non encore identifié a fui vers la commune Bisoro de la province de Mngaro, selon toujours le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi. Le gouvernement burundais compte résilier le contrat qui le liait depuis 2018 avec la société Proselve pour la construction des infrastructures de la zone économique spéciale de Warwondo. Le conseil des ministres, tenu mercredi de cette semaine, a constaté que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Dans un compte rendu, Prosper Naogwami, secrétaire général du gouvernement, parle d'une superficie de 3 hectares exploitée sur une superficie de 600 hectares. Suivez-le. Actuellement, le site de la zone n'est pas encore viabilisé et aucune construction n'y est visible à part un petit marché d'une superficie de 3 hectares alors que le site a une superficie de 600 hectares. Pourtant, le contrat prévoit que cette société devait débuter les travaux dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la signature du contrat. Face à cette situation, le ministère en charge du commerce a mis en demeure la société Proselve et lui a accordé un délai de mois pour pouvoir honorer ses obligations. Mais 4 mois viennent de s'écouler sans que cette société fasse un signe allant dans le sens d'honorer ses obligations. La note propose une série de mesures pour prévenir un éventuel malfonctionnement de la zone économique spéciale Warwondo et un plan de mise en œuvre des recommandations de l'agence d'appui à la réalisation du contrat public-privé. Après analyse des propositions de la note, le Conseil des ministres a entre autres recommandé ce qui suit. Le ministère en charge du commerce, en collaboration avec le ministère en charge de la justice, va procéder à la résiliation du contrat entre Proselve et le gouvernement du Burundi pour non-respect des termes du contrat par la société Proselve. Celui qui a construit le marché dans la zone va signer une autre convention avec le nouvel acquéreur. Fait remarquer à l'agence d'appui à la réalisation du contrat public-privé que le rapport qu'il a produit est biaisé. Il faut préparer le cadre légal régissant les zones économiques spéciales. Il faut procéder à la viabilisation du site. Le ministère en charge du commerce, en collaboration avec celui en charge des infrastructures et celui en charge de l'hydraulique, vont élaborer un plan d'aménagement et d'occupation du site de Warwondo suivant les secteurs d'activité. Et puis, ayant constaté l'augmentation des cas de COVID-19 dans les centres urbains, le Conseil des ministres recommande la tenue des fêtes uniquement les samedis et dimanches. L'objectif poursuit le secrétaire général du gouvernement, c'est d'avoir des chiffres réduits dans un délai d'au moins 1 mois. Suivez-les encore une fois. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est revenu sur la lutte contre le coronavirus, où il se fait remarquer de l'indiscipline dans les villes et particulièrement chez les personnes dites évoluées, car elles ne respectent pas les mesures barrières contre le coronavirus. Cela a eu pour conséquence l'augmentation des cas positifs, surtout en cette période de saison sèche. Il a été demandé à tous les ministères de sensibiliser leur personnel sur le respect des mesures barrières, de se faire régulièrement dépister et de mettre en place des dispositifs pour se protéger de cette pandémie pour les visiteurs. L'objectif est que dans un délai des mois, les cas positifs aient sensiblement diminué. Il a été constaté que l'un des facteurs de propagation du coronavirus est la multiplicité des fêtes et cérémonies à caractère social. C'est pourquoi, dans l'objectif de les réduire, le Conseil des ministres a proposé qu'elles soient organisées les samedis et les dimanches uniquement. Prosper Naogwamiye, le secrétaire général du gouvernement. Je le disais tantôt dans les titres, le projet de TID du système de briller les téléphones volés arrive à un pas important. Et c'est selon Samuel Muhizi, directeur général de l'Agence de régulation de contrôle des communications Burundi, ARCT en sigle. Il précise que ce système demande assez de moyens et des équipements modernes. C'est après que plusieurs personnes passent au bureau de cette agence à la recherche des documents pour réclamer les téléphones volés. Suivez-le. Il existe des systèmes de gestion des terminaux. Au Burundi, on n'a pas encore installé ce système de gestion centralisé. Pour le moment, c'est au niveau des opérateurs où on peut suivre l'état des lieux des terminaux connectés. Mais on a des projets, on a des projections pour l'acquisition de tels équipements pour la gestion centralisée des terminaux. Parce que ça évite que des terminaux clonés, des terminaux volés ou bien soient utilisés dans le réseau. Donc ça limite les contrefaçons. Mais comme vous le verrez, ces genres de systèmes sont chers. Et pour que l'État puisse accorder à l'ARCT des sommes conséquentes, il faut d'abord une analyse des besoins, parce qu'il y a différents besoins et suivant les exigences, l'État décide d'acheter ou bien d'octroyer ce genre de service à un prestataire externe. Et on a adressé la demande au niveau de la hiérarchie. On attend les orientations là-dessus. Mais pour ce qui est de la mission de la protection des consommateurs, on a cette volonté que le consommateur final soit suivi et que si possibilité il y a, on réduit drastiquement les vols des téléphones. Isanganiro. 13h04, c'est Isanganiro et le journal continue. Le directeur provincial de l'éducation de Muyinga, Blaise Pascal Misago, salue la collaboration qui caractérise les responsables scolaires et les enseignants au cours de l'année scolaire écoulée, ce qui a rehaussé le taux de réussite à 95,8%. Il déplore cependant les retards et l'absentéisme de certains enseignants, les abandons scolaires et les grossesses non désirées des élèves. Ce responsable demande l'appui des partenaires socio-éducatifs, notamment dans la conscientisation des jeunes et l'octroi du matériel scolaire qui manque. Il était au micro de notre confrère depuis Muyinga, Pierre Claver, Barundi. Nous saluons la collaboration qui a marqué les enseignants et les responsables scolaires dans différentes écoles. Nous les remercions également des résultats que nous avons observés à travers toutes les évaluations externes, notamment le concours national où notre province vient de se classer 3e, mais surtout le taux de réussite qui est de 95,8% qui a augmenté par rapport à l'année écoulée. Nos regrets, c'est notamment les absences et les retards que nous observons de la part de certains enseignants. Donc, nous recommandons surtout aux responsables des différentes écoles, de s'atteler à leurs activités, surtout de conscientiser les enseignants pour qu'ils puissent prester convenablement dans les écoles pour qu'il n'y ait plus ces retards et les absences. À nos partenaires, nous demandons de continuer à nous appuyer, notamment en ce qui concerne les abandons scolaires. Nous remarquons qu'il y a des enfants qui abandonnent, donc qu'ils puissent nous appuyer en continuant à sensibiliser la population de Muyinga pour que ces enfants ne puissent continuer à abandonner l'école. Et surtout, en ce qui concerne les grossesses non désirées qui s'observent toujours dans nos écoles, qui puissent continuer à nous appuyer en sensibilisant à tous les niveaux et surtout les responsables des différentes confessions religieuses pour qu'ils puissent continuer à sensibiliser les fidèles pour que nos enfants puissent continuer à avoir ces grossesses non désirées. L'appel est également lancé à nos partenaires et qu'ils puissent continuer à nous appuyer notamment en construisant des salles de classe mais également en nous octroyant d'autres matériels qui sont toujours en besoin dans notre province scolaire. Et le président de la République met en garde les entreprises de construction qui ont gagné le marché de la construction du barrage hydroélectrique de Manda ainsi que le barrage hydroagricole de Kajeke. Les fonds ont été décaissés, mais ces barrages n'ont pas été n'ont pas été construits. Le président Évariste Ndayishimiye fait savoir que ces fonds doivent retourner au trésor public. Il l'a dit ce samedi lors de l'inauguration de l'hôpital communal de Musigati qui a été construit par l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat. On l'écoute. L'hôpital communal de Musigati est le tout premier hôpital inauguré parmi une trentaine d'hôpitaux communaux en cours de construction et d'ici 2023, chaque commune du pays aura un hôpital selon Évariste Ndayishimiye qui a officiellement inauguré l'hôpital communal de Musigati ce samedi. Le matériel disponibilisé par le ministère de la Santé publique a une valeur de 400 millions de francs burundais et les médicaments, les matelas, les lits ont une valeur d'environ 60 millions de francs burundais selon les responsables de l'hôpital. Le président de la République, dans son discours, a demandé à la population de bien entretenir cet hôpital ainsi que tout le matériel qui s'y trouve. Les médecins et les infirmiers sont priés, quant à eux, de ne plus faire des grèves et de bien s'occuper des malades qui, à leur tour, contribuent dans les salaires de ces médecins et infirmiers selon Évariste Ndayishimiye, président du Burundi. Spes Caritas Kawanyana, en commune Musigati, pour la radio Isanganiro. Merci Spes, vous allez nous excuser pour ce reportage. Je le disais tantôt que le président de la République a mis en garde les entreprises de construction qui ont gagné le marché de la construction du barrage hydroélectrique de Manda ainsi que le barrage hydro-agricole de Kadjeke. Les fonds ont été décaissés mais ces barrages n'ont pas été construits. Le président Évariste Ndayishimiye fait savoir que ces fonds doivent retourner au trésor public. Évariste Ndayishimiye a mis en garde aussi les entreprises qui construisent mal les routes actuellement. Il précise que ces routes ne seront jamais réceptionnées à l'état. Elles sont à l'état où elles sont actuellement. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La chronique nutrition de ce dimanche, le champignon est un aliment qui contient des protéines ainsi que des vitamines B2, B3 et B5. Grâce à ces nutriments, il aide dans le renforcement des os, stimule le système immunitaire. Selon Gilbert Nahuahafi, chercheur nutritionniste, une personne qui consomme régulièrement les champignons ne peut avoir des problèmes de l'hypertension artérielle. Chronique nutrition avec notre confrère Jean-Marie Mayong. Le champignon, selon le chercheur nutritionniste Jibé Nangwafi, il contient plus de protéines et vitamines B. Ces vitamines participent au bon fonctionnement neuromusculaire et préviennent certains cancers. Les champignons synthétisent de la vitamine D qui assure la protection osseuse, la prévention de certains cancers comme le cancer du sein. Les champignons aussi assurent la santé de la peau et des cheveux. Les champignons sont des sources de vitamine B comme vitamine B2, B3, B5 et d'autres. Assurer la santé aussi du cœur, renforce le système immunitaire car il contient le sélénium, l'érythrocyanine qui agit comme un antioxydant. Les champignons sont faibles en sodium, ce qui leur permet de prévenir l'hypertension artérielle. Les champignons sont aussi des sources de protéines, des minéraux aussi comme cuivre, zinc, fer. Les champignons sont riches en fibres solubles. Ce chercheur explique que le champignon devrait être stocké dans un endroit frais. Jibé Nangwafi précise que le champignon ne demande pas de l'huile lors de sa cuisson. Et même si les champignons apportent peu de calories, il est prohibé de les cuisiner avec trop de matières grasses, car ça peut provoquer de l'indigestion. Si les champignons ne sont pas consommés rapidement, il faut les stocker dans un endroit frais et sec, pas plus d'un jour ou deux jours, dans la cave, le bac à légumes du réfrigérateur, étaler le pied à l'air. En cas de la récolte, il est préférable de les conserver par les différentes techniques. Séchage, congélation, salage, etc. Concernant sa consommation, le chercheur explique que le champignon peut être consommé en salade ou le cuire comme les légumes. Les champignons peuvent se consommer en salade, en sauce, ou bien les cuire comme les légumes. On peut les utiliser aussi, ou bien les cuire dans les bouillons des légumes, notamment le champignon qu'on appelle gilol. Il faut être prudent. pas de la cueillette ou la récolte car il existe des espèces très toxiques comme on l'a vu. Les champignons sont de plusieurs sortes et tous ne sont pas consommables, raison pour laquelle il faut faire attention quant à la consommation car certains ne sont pas recommandés. Toujours page nutrition, augmenter des spécialistes burundais en sciences de nutrition, tel est l'objectif principal du programme de master du projet d'appui au centre d'excellence sous-régional en sciences de nutrition. Cela a été dit ce dimanche par le coordinateur de ce projet lors de la passation au concours d'admission dans ce programme. Mélance Ndrenimana fait savoir que 60 étudiants seront retenus dans plus de 800 qui passent l'examen suivi. Le concours qu'on est en train d'organiser, c'est pour pouvoir choisir donc les meilleurs qui vont étudier dans nos masters donc en sciences de nutrition. Surtout qu'on avait commencé d'abord par l'inscription des lauréats. Dans l'inscription, on avait inscrit 1236 lauréats. Parmi ces 1236 lauréats, on a fait une présélection donc par rapport aux documents déposés. Et donc autour de 900 lauréats ont été présélectionnés, ont été affichés. Et donc après recours, on a eu autour de 1956 lauréats qui ont été présélectionnés. Et après, on a lancé donc l'inscription au concours. Et par l'inscription au concours, maintenant, on a eu autour de 800 lauréats qui se sont inscrits au concours. C'est ces lauréats qui sont venus aujourd'hui pour pouvoir passer donc au concours dans deux masters, donc master en santé et nutrition et master en sciences des aliments et nutrition. Dans l'appel à inscription, on avait exigé que ceux qui travaillent ne viennent pas s'inscrire. Donc, c'est-à-dire que quand on va les retenir, on va les exiger de nous montrer les preuves qu'ils ne sont pas travailleurs quelque part. On a aussi interdit à ceux qui sont en train d'étudier dans notre master de venir donc chez nous. Il faut d'abord qu'ils terminent leur master, peuvent venir donc chez nous. On a voulu éviter donc l'effet négatif du projet sur les autres masters, bien sûr les autres établissements. Actualité internationale. Actualité internationale en bref, il fait partie des 79 prisonniers libérés mardi soir 7 septembre après le coup d'état militaire qui a renversé Alpha Condé il y a tout juste une semaine. Fonike Menge, de son vrai nom Oumar Sylla, est l'un des responsables du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui s'est mobilisé contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Arrêté deux fois, il a passé au moins 16 mois en prison centrale de Conakry. Fonike Menge a précisé qu'il entend beaucoup du colonel Doumbouya car il a un grand rôle à jouer pour l'avenir du pays. Et il y a plus de deux mois, le président haïtien Jovenel Moïse était assassiné en pleine nuit dans sa chambre sans aucun policier de sa sécurité approché ne soit blessé. Le juge choisi pour instruire le dossier a débuté des auditions de quelques personnes arrêtées. Le dossier devient encore plus politique car l'actuel Premier ministre Ariel Henry est invité au parquet mardi 14 septembre. Dans sa lettre, le commissaire de gouvernement a signalé que le Premier ministre pouvait refuser de se présenter à l'invitation du parquet compte tenu, et c'est écrit en gras dans le courrier, compte tenu des restrictions dues à son statut de haut fonctionnaire. Car pour auditionner un ministre, les autorités judiciaires doivent normalement obtenir l'autorisation du président, une procédure aujourd'hui impossible car depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti n'a pas de président et le mystère quant au commanditaire de son meurtre perdure. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Albert Mdouaïo pour sa parfaite collaboration technique. Excellente journée dominicale à tous. Au revoir. Médard Niyonguru. Yeah.